Bilan, page 110, activité 1, piste 99. Nous avons à la maison trois animaux de compagnie. Un gros chien, une petite chatte et une tortue verte. Des poissons rouges ? Non, on n'a pas de poissons rouges.